providers are advised to prioritize folks in this first group. Also concurrently eligible in the second group, people 45 to 65 years old with one underlying health condition, people 16 to 45 with two or more health conditions, people age 50 or older who live in multi-generational housing, and essential frontline workers like those who work in transportation, agriculture, food retail, correctional settings, and more. For the Minnesota Dose on KFAI, I'm Ryan Dawes. When I'm driving around, you know, I'm just flipping dials and I'm always surprised and often delighted by what I hear on KFAI. And then when I catch the shows that I really like, it's like a double delight. I listen to African Rhythms. It's on at an ideal time in Sangam because Sashi plays Pangara music at the top of every show. The thing that's great about KFA is it's not algorithm related, right? I mean, it's like actual humans making stuff that they really, really like, and that's often really, really weird. And if you want spontaneity in your life and you want cultural experimentation and you want to be exposed to new things, this is the place to support, because it's not going to happen without your financial support. We really appreciate it and we really need it. My name's Todd Melby. I'm in Minneapolis. Fresh Air Community Radio is KFAI, 90.3 FM HD Minneapolis, St. Paul. Online and archived at kfai.org. Radio without boundaries. The following KFAI program was recorded earlier for broadcast at this time. Vous écoutez Fresh Air Radio Communautaire, KFAI 90.3 FM à Minneapolis, Saint-Paul et en ligne sur kfai.org. L'émission que vous écoutez est Bonjour Minnesota. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI 90.3 FM in Minneapolis, Saint-Paul and streaming at kfai.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir Freddy. Bonsoir Romain, bonsoir Adrien. Comment ça bonsoir, va? Bonsoir Freddy. Mais ça va, ça va. Ça va. Beautiful weather. Indeed. Yes. Indeed. I was a little bit lonely last week, but I survived it. Well, I was gone and what you would call like black spot. It's completely off. Without network or without. Yeah. I mean, there was a little bit, but. I think the technical term is the boonies. Ah, yeah. Mm-hmm. Perpète les oies. Ouais, ou Peter Schnock. So, yeah, sorry about that. But I mean, I of course listened to the show and you did a pretty good job. Well, thank you. thank you. It was International Women's Day. So, for those who didn't really listen to it or missed it, it's still up for another week on the kfai.org website, because the shows stays for 2 weeks. And after that, we move them to archive.org. Coming up between the 10th and the, what is it, the 20th? Mm-hmm. Spring Pledge Drive is coming up. Yay. So I already sent like an email to people who can potentially give us some premium. So we're going to have some CDs. I just got an email from Panache. So we're going to have some. Yeah. Xavier. We're going to have some of their product from Amita. And very nice. Talking about that, I was talking to someone I know, and we started talking about wine and champagne and cider. And she said, oh, but I was in a place in Minnesota where they had some cider. I said, oh, what kind? She said, I thought it was French or something, but with local fruit. And I said, like, isn't it Panache? And yeah, that was Panache. It is Panache. Nice. She was in Jordan, Minnesota. So it's, I don't know, maybe 45 minutes from the Twin Cities, half hour. South, yeah. Yeah. Very nice. That was nice. So we're going to do a Celtic evening because St. Patrick's Day is coming up next week on the 17th. Yes. So, and next week, because of the pledge drive, we won't have time to refocus on St. Patrick's Day. So that's why we're doing it this week. Exactly. So, our Patrick listeners don't get upset. I don't see why they would. No. But yeah, so that should be fun. A lot of songs from Britney, and it goes from classical to more recent. Classical in a sense, like with Alan Stivell and Dan Arbras and that sort of things, and more recent with Mano and Music or Matmata. Mm-hmm. Like bands who are not necessarily singing traditional songs from Britney, but they are from Britney and you can hear it in their songs. Mm-hmm. Either like because Nolwenn. Yeah. Nolwenn exactly. Nolwenn Leroy. Yeah, I have a couple of songs from her too. Yeah. And it was nice to make the selection and to pick the songs, having to listen to them. And, so that's pretty cool. Yeah. Yes. So other than that, we'll talk about the events in the middle of the show. And I don't know if you noticed, but the past 2 or 3 weeks, I've gathered a little bit broader. And because a lot of the events are virtual, I also included some events from other Alliance Française. Mm-hmm. Because they are through Zoom. So some cine club or some things about Chateau or things like that. So now that we can take advantage of it, we don't have to be physically in place to see their presentation. That's pretty nice. Yes. So I added them. Definitely. Yeah. And one thing that we didn't specify about next week, because of Pledge Drive, we will be live in the studio. Exactly. Which we have not done since the fall Pledge Drive. Mm-hmm. So it is very exciting to know that a week from today, we'll be sitting in the studio and with our board and everything in the mics, and we'll be able to interact a little bit more. And so for the listener, I don't know if it's a good thing or a bad thing, but for you guys, all of the stupid things you said that I cut off, you know, when I edit the show and I cut off all of the stupid things we say, especially things like sometimes I'm rambling for 5 minutes and nobody cares about it. So that you're going to have to sit through the rumbling. Yep. But that's good. I mean, yeah, it's good also if our listeners suffer a little bit. I mean, you have to, to suffer to a certain extent to really earn our time on the air. So. All right. Other than that, I really miss the fact that in between songs, we were interacting. So like one of the things I miss with the pre-recording is that I do the song announcements, but that's it. Mm-hmm. Often in the studio, we talk about the songs. We talk about our own experience or, you know, like so if you like won't it. So there won't be as many songs because of all of our chit-chat. Yes, but there'll be some. Maybe as many as the ones when we, like, I think tonight there's about, like, you know, at least 25 to 30 songs. When we chat sometimes, we have to cut it a little bit shorter and it's closer to 20 songs. But, it's still 2 hours. It's pretty decent. Yes. And I also did, like, French and Francis 75. Yeah. I've not listened to it yet, but I saw that. It was very last minute. I mean, it was not last minute to do it. I was planning to do something. I had everything almost selected. And Mason Butler, our dear Mason from KFAI, contacted me and said, like, hey, on Thursday, we are doing a special new wave. And there's tons of bands. And very fun. That's French or French-speaking bands that are great. I said, okay, I can do 2 hours of new wave. Yeah. And so I ended up doing that. And I also discovered some things. But a new wave, the musical genre? Yeah. Okay, because you could also have played music from movies from the new wave. That was not the goal. That was new wave, cold wave. So I played a lot of Andoshin. I played a little bit of post-punks, I mean, Taxi Girl, I played a little bit, Marquis de Sade, So yeah, more in that spirit. But I also put on the notes that Indochine, for example, in the last book that I got from my mom, talk about the 1,000 favorite songs of the French people. Indochine has quite a few. And surprisingly, it's the second most favorite songs. Out of 1,000, that's J'ai demandé à la lune. Yeah, I didn't play this one because it's more recent. Yeah, that was more recent. Like 2001, two. Yeah, maybe. The others were more like from the 90s with from the L'Aventurier. Yeah, L'Aventurier, Canary Bay, Troisième Sexe, that kind of songs. Les Yeux Noirs. Mm-hmm. Yeah, exactly. Oh, great. All right, so should we listen to some Celtic music? Eh ben, c'est parti, mon kiki. Yes! On y va, Pogba. The first artist or band that we're going to listen to is Trianne. We're going to listen to three songs of them. The first one is La Jument de Michaud, The Horse of Michaud. Then we're going to listen to La Complainte Galaise, The Gallic Complaint, Rond de Saint-Vincent Revival. C'est l'an 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. C'est l'an 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. C'est l'an 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin. La jument de Michaud et son petit poulain a passer dans le pré et manger tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. L'hiver viendra, la jument de Dijon, elle C'est entre nous les jeunes filles, c'est entre nous les jeunes filles. Vous qui voulez malon, la la. Vous qui voulez vous marier. Vous qui voulez malon, la la. Vous qui voulez vous marier. Ne prenez point de ces jeunes hommes, ne prenez point de ces jeunes hommes, ni de ces gars malons. S'en vont à la débauche, le soir s'en vont à la débauche de cabaret malon, la de cabaret en cabaret de cabaret. Et puis le soir quand ils se ramassent, font les malins malons, la la. Le carillon à la maison, font les malins malons, la la. Le carillon à tes promesses, gardien dû à tes promesses. Quand tu me disais malon, la la. Quand tu me disais faisons l'amour. Quand tu me disais qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Derrière chez moi, y'a un étang, vive la dentelle et à bas les rubans. Et derrière chez moi, y'a un étang, vive la dentelle et à bas les rubans. Qu'a-t-elle dit, qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Trois carabians s'en vont baignant, vive la dentelle et à bas les rubans. Et trois carabians s'en vont baignant, vive la dentelle et à bas les rubans. Qu'a-t-elle dit, qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Le fils du roi s'en va chassant, vive la dentelle et à bas les rubans. Le fils du roi s'en va chassant, vive la dentelle et à bas les rubans. Qu'a-t-elle dit, qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Avec son grand fusil d'argent, vive la dentelle et à bas les rubans. Et avec son grand fusil d'argent, vive la dentelle et à bas les rubans. Qu'a-t-elle dit, qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Fils de noir, mets-toi le blanc, vive la dentelle et à bas les rubans. Et fils de noir, mets-toi le blanc, vive la dentelle et à bas les rubans. Et qu'a-t-elle dit, qu'as-tu dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Fils du roi, tu es méchant, vive la dentelle et à bas les rubans. Oh, fils du roi, tu es méchant, vive la dentelle et à bas les rubans. Voilà. Ah. Thank you. Elle a dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Par-dessous l'aile, il perd le sang. Vive la dentelle et avale les rubans. Par-dessous l'aile, il perd le sang. Vive la dentelle et avale les rubans. Qu'a-t-elle dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Et par le bec, l'or et l'argent. Vive la dentelle et avale les rubans. Et par le bec, l'or et l'argent. Vive la dentelle et avale les rubans. Qu'a-t-elle dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Qu'a-t-elle dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Ferons-nous de tant d'argent. Vive la dentelle et avale les rubans. Et que ferons-nous de tant d'argent. Vive la dentelle et avale les rubans. Et qu'a-t-elle dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Qu'a-t-elle dit ce qu'elle a dit, répondit-elle. Mettre les filles au couvent. Vive la dentelle et avale les rubans. Et oui, ma mère, les garçons au régiment, vive la dentelle et avale les rubans. Et qu'a-t-elle dit, qu'a-t-elle dit, demande-t-elle. Qu'a-t-elle dit, ce qu'elle a dit, répondit-elle. Quel riche et moyen étant, vive la dentelle et avale les rubans. Et quel riche et moyen étant, vive la dentelle et avale les rubans. It was Triane with La Jument de Michaud, then La Complainte Galaise, and then Rond de Saint-Vincent Revival. Programming on KFAI is supported by the French American Heritage Foundation of Minnesota, whose mission is to promote and cultivate the heritage of French language cultures. Learn about the many French American Heritage Foundation events and celebrations at fahfminn.org or on Facebook. Merci beaucoup. From Minnesota Native News, this is your COVID-19 daily update. I'm Marie Rock. Both the Pfizer and the Moderna COVID vaccines are two-shot vaccines, and there are reports circulating that side effects with the second shot are far more common. Why is that? First of all, health experts say not to call them side effects. They are a response to the COVID vaccine. And second, yes, a response is far more likely with the second dose because the first shot did what it was supposed to do. The first shot primed your immune system to identify the foreign invader and develop a defense against it. So, when you get the second, your immune system moves into action. The most common symptoms people experience with either the first or second dose are fever, headache, and body aches. Fever is your body's natural response when fighting off infection. Data seems to show that people 55 and older experience fewer symptoms. Health experts say this is likely because younger people have more active immune systems. Symptoms usually disappear within 24 hours. The CDC cautions against taking pain relievers before your COVID vaccine appointment, unless advised to do so by your doctor. There's a potential they could lessen the effectiveness of the shot, but the CDC says it's fine to take Tylenol, Advil, or Motrin afterwards to alleviate symptoms of fever, aches, and chills. For Minnesota Native News, I'm Marie Rock. For more information, go online to mnnativenews.org. This Minnesota Native News COVID-19 Daily Update is supported by the Minnesota Department of Health. Now we're going to listen to Dan Arbraz with Greenlands, then Le Bagad de l'Ambiwe with the song called Azerty, and then a second song called Bormanawen, featuring l'ensemble des trompettes de Paris. Thank you. was Dan Arbraz with Greenlands, then the Bagad de Lambiwe with Azerty, and then the other song is Bom Anawen, featuring l'ensemble des trompettes de Paris. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Nana Mouskouri with Le Pont de Nantes. Then another Nana Mouskouri with Dans les prisons de Nantes, which is a classic. The three songs are classics. The third one is Gilles Servin with La Blanche Hermine, and it's a live version. La belle Hélène voudrait bien y aller, la belle Hélène voudrait bien y aller. Ma chère mère, m'y laissez-vous aller, ma chère mère, m'y laissez-vous aller. Non, non, ma fille, vous n'irez point danser, non, non, ma fille, vous n'irez point danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer, monte à sa chambre et se met à pleurer. Arrive dans un bateau doré, son frère arrive dans un bateau doré. Qu'as-tu, ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer? Qu'as-tu, ma soeur, qu'as-tu donc à pleurer? Hélas, mon frère, je n'irai point danser. Hélas, mon frère, je n'irai point danser. Aussi, ma soeur, moi, je t'y conduirai. Aussi, ma soeur, moi, je t'y conduirai. Dans ta robe blanche et ta ceinture d'or. La belle Hélène dont la Loire est tombée, la belle Hélène dont la Loire est tombée. Hélas, mon frère, me laisseras-tu noyer? Hélas, mon frère, me laisseras-tu noyer? Non, non, ma sœur, je vais te retirer. Non, non, ma sœur, je vais te retirer. Dans l'eau se jette et les voilà noyés. Dans l'eau se jette et les voilà noyés. Toutes les cloches se mirent à sonner, toutes les cloches se mirent à sonner. La mère demande qu'a-t-on à temps sonner, la mère demande qu'a-t-on à temps sonner. C'est pour Hélène et votre fils aîné, c'est pour Hélène et votre fils aîné. Voilà le sort des enfants vaccinés, voilà le sort des enfants vaccinés. Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Personne ne veut le voir, personne ne veut le voir, que la fille du geôlier, que la fille du geôlier. Un jour il lui demande, on dit de vous en ville, on dit de vous en ville que vous serez pendu, que vous serez pendu. Mais s'il faut qu'on me pende, mais s'il faut qu'on me pende, délie-moi les pieds, délie-moi les pieds. La fille était jeunette, les pieds lui a délié, les pieds lui a délié. Le galant fut alerte, Le galant fut alerte dans la Loire s'est jeté. Dans la Loire s'est jeté. Dès qu'il fut sur la rive, dès qu'il fut sur la rive, il se mit à chanter. Il se mit à chanter. Je chante pour les belles, je chante pour les belles, surtout celles du geôlier. Surtout celles du geôlier. Si je reviens à Nantes, si je reviens à Nantes, oui, je l'épouserai. Oui, je l'épouserai. Dans les prisons de Nantes, dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier. Il y avait un prisonnier. J'ai rencontré ce matin, devant l'aide de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. Où allez-vous, camarades, avec vos fusils chargés? Nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. La voilà la blanche Chermine, vive la mouette des Dajon. La voilà la blanche Chermine, vive Fougère et Clisson. Où allez-vous, camarades? Avec vos fusils chargés, nous tendrons des embuscades, viens rejoindre notre armée. Elle me dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Je dis que c'est folie de trancher les plus longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la jonque. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Elle me dit que c'est folie d'aller faire la guerre au front. Je dis que c'est folie des tranchées des plus longtemps. Elle aura bien de la peine pour élever les enfants. Elle aura bien de la peine car je m'en vais pour longtemps. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. Vive Fougère et Clisson. Paix à la nuit noire, tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Et sans doute pense-t-elle que je suis en déraison de la voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Viendrai à la nuit noire tant que la guerre durera. Comme les femmes en noir, triste et seule, elle m'attendra. Sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. La voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. Sans doute pense-t-elle que je suis en déraison. De la voir mon cœur se serre là-bas devant la maison. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. Et si je meurs à la guerre, pourra-t-elle me pardonner d'avoir préféré ma terre à l'amour qu'elle me donnait? J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de marins, d'ouvriers, de paysans. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. La voilà la blanche Hermine, vive la mouette et la joie. La voilà la blanche Hermine, vive Fougère et Clisson. It was Nana Mouskouri with Le Pont de Nantes, Nantes Bridge, where they go dancing on the bridge and something bad happened. Then another Nana Mouskouri with Dans les prisons de Nantes, in the Nantes jails, and someone is managing to escape because the daughter of the jailer really liked him. And then Gilles Servat with La Blanche Hermine, the White Hermine. I'm not sure what Hermine is, I will look it up. Our supporters help power the content you love. Help fuel our frequencies by becoming a monthly donor today at kfai.org/donate. Now we're going to listen to Pan Stillier with Kemia or Ye Friend France. Then we're going to listen to Alan Stever with two songs, Suède Sud-Armoricaine, L'Armorique is the South of Brittany, and Brian Bory. Oh, was Pan Stillier with Camille en France, then Alan Stivell, Suite Sud-Américaine, and Brian Boru. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis-Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. This program has been pre-recorded. KFAI, turning your radio into a time machine. Now we're going to listen to a new singer. She's new, but she has made an album of traditional songs from Brittany. It's Norwen Leroy. And the first song is a traditional one. It's Three Martelodes, Three Sailors, Trois Marins. Then Rentrer en Bretagne, Coming Back in Brittany. And then we're going to have Emu Vreni, which originally is a band who's playing Corsican songs, but on these songs, they have a special guest, who is Rono. They're going to sing together La Ballade Nord-Irlandaise, the North Irish Ballad. And it was from 2016 in Rouen. Dans l'air Was Norwenn Leroy with Tri Martelod, then Rentrée en Bretagne, and Imuvrini with La Ballade Nord-Irlandaise featuring Renaud. Two years ago, Glenn Leslie landed Jet Set Planet, only to disappear from view. Now, after extensive rehabilitation, he makes his return to KFAI Radio. He stars as Les Manick in the new exciting program, Elevator. Sunday nights at 5 on KFAI's irregular audio stream at kfai.org/elevator. Okay, on the count of three, everyone who's listening to this message, yell out their favorite program on KFAI. Ready? One, two, three! Wow, that was great! How many of you are supporting those favorite programs? Well, what are you waiting for? Head to kfai.org/donate and keep your favorite program going strong. Visit kfai/donate for more information. Thank you. And now we're going to talk about events. The first event we're going to talk about is still about the Virtual Ciné Salon, organized by the French Institut de Langue Française. And there's a new movie this week from Tuesday, March 9th to Monday, March 15th. It's online and it's going to be La Haine. It's directed by Mathieu Kassovitz in 1995, which I love Kassovitz as both an actor and a director. And one of the main actors in the movie is Vincent Cassel, one of his good friends. He got a Best Director Award in 1995 in the Cannes Festival and won three César Awards, including Best Film. So it's about a server in Paris and their lives, and it was pretty innovative when it came out. So if you want more information, fiaf.org, and you can go to the event and, you know, upcoming event, and it's part of the Ciné Salon, which is a series about Paris in movies. And a lot of movies already occurred. After La Haine, there's going to be two more movies. Then, still talking about movies, on March 10th, organized by the Alliance Française de Greenwich, at 4 p.m. Central, there's going to be a movie called Female Agents. And it's a film by Jean-Paul Salomé. A lot of stars in it. Sophie Marceau, Julie Depardieu, etc. And the title in French was Les Femmes de l'Ombre. It's a historical movie about World War II. And there's going to be a lively Q&A session with the director of the programming and film critic, Joe Mayers. Then on Wednesday, March 10th, Les Navigateurs de la Littérature, Le Bar des Amériques. And Les Navigateurs de la Littérature is a book club organized by the Alliance Française. It's going to be starting at 7 p.m. Central. And it's talking about Le Bar des Amériques, which is a book by Alfred Alexandre. And you can get more information on their Facebook page or website, afmsp.org. And we added the event to Bonjour Minnesota Facebook page as well. The book is also available at La Boutique AFMSP, so don't hesitate. Then, the same night, but at 8 p.m., it's a rencontre littéraire with Alfred Alexandre. Donation is suggested, but there's no cost. There's going to be a discussion with Alfred Alexandre joins Professor Joël Vitiello for a literary discussion on his novel. Presented in partnership with the Consulate General of Canada in Minneapolis and the Delegation of Quebec in Chicago. So, 8 p.m. There is also a Facebook event for that. On Tuesday, March 10th, the Alliance Française of Raleigh Durham Chapel Hill presents the French heritage of North Carolina. It starts at 5:30 CST and it's in English. You can get more information at afusa.org and go in their event page. Then on Thursday, March 12th at 1 p.m. CST, Château Vaux-le-Vicomte. So it's the castle series organized by the Alliance Française of Chicago. There's a Facebook event that we also added to our page. Otherwise, you can go to their website at af-chicago.org. And they've been started a series of talking about all the chateaus. And this one for this week will be Vaux-le-Vicomte. I don't see any cost, but there might be one. I'm not sure. On March 11th at 6 p.m. Eastern, so that would be 5 p.m. Central, each month, the Alliance Française of Jacksonville will choose a French region, city, or francophone country to highlight. And that week, it's going to be the perspectives of Lebanon. You need to RSVP, and in order to do that, you can email events at AF, like Alliance Française, jacksonville.org. Then, on Friday, March 12th, starting at 6 p.m., Le Mois de la Francophonie, cooking class with Chef Jérémy Jean-Baptiste. It's organized by the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. So you can either go to the Facebook page or our Facebook page or afmsp.org. There's suggestion donated and it's about cooking and discovering, you know, the French department of Martinique and Guadeloupe. On Saturday, March 13th, starting at 9 a.m. Central, I know it's a Saturday and it's early, but it's en français, but it's a virtual culinary tour through the Francophone world. So that's like awesome. It's organized by the French Cultural Center Alliance Française of Boston, and they're going to welcome Emmanuel Jarry for a delicious conversation based on the most famous dishes from different French-speaking regions or country. So you can get more information at afusa.org in their events. There's a small cost and it's less expensive if you're Alliance Française Boston member. And yeah, check it out. Organized by the Federation, afusa.org, on Saturday, March 13th, from 1 p.m. to 2 p.m. Central, in English, there's going to be Discover New Hidden Secrets of Paris with Oliver G. Oliver G, who has some crazy interesting secrets about the City of Love to share with you all. There's a link, and he has a podcast. He has lived in Paris since 2015. And he recently published his first book, Paris on Air, a memoir telling the often laugh-out-loud stories from his past 5 years in the French capital. He and his wife, Lina, have also published their first children's book called Kali, The Crocodile in Paris. AFUSA.org, and it seems that there's no cost for the members of the Alliance Française, and otherwise there's a small cost. Les Jeunes, starting back again with Journée de la Femme, the Woman's Day. It's on Saturday at 2 p.m. Central, and you can get more information at afmsp.org or on Facebook, because they have an event on their page, and we have it as well. So it's been a while since Les Jeunes have been doing something, so the educational ambassador Jean Vianney Martin is kicking off the Teen Club revival with an event about important French female figures from Jeanne d'Arc to Simone Veil. If you want to RSVP, is Jean or Jean, J-E-A-N at afmsp.org in order to RSVP. Typically, legends have no cost. Tuesday, March 16th at 6 p.m. with the Mois de la Francophonie, there's going to be La Mode Antillaise entre Tradition et Modernity. And it's organized by the afmsp.org or Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. It lasts for about an hour and a half. It's going to be with Michaëlle Loredon. She's a creatrice of the mode based in Martinique. And in 2017, she launched Mademoiselle Aël, an independent line of women's wallet, bags, and accessories. And you can visit their website on the Facebook page. There's a link to it. Donation is suggested, and the event is going to be in French. And recently, I discovered that there was a podcast sur les Africains d'Amérique, the Africans in America. And it is created by Serge Affeli. He's the producer in Greenville, South Carolina. And he's doing this podcast, and it's quite a few episodes, and it's very interesting. So if you're interested in this kind of topics, that's wonderful. I just contacted him, and I'm going to start listening to it to see what he's talking about and maybe potentially interview him on the show. Et voilà. That's it for now. Back to the music. Now we're going to listen to Jean-Michel Karadec with Ma Bretagne quand elle pleut, My Brittany when it's raining. He thinks it's beautiful. Then Alain Souchon with a song called Le Bagad de Lambiwe. And in that song, he explains what a bagad is. And we heard previously Le Bagad de Lambiwe, which was the band and was singing some songs. In this case, he's doing tribute to this bagad. And bagad is basically a band of bagpipes. Then we're going to listen to Louise Attaque with Je t'emmène au vent. I'm taking you to the winds. Grand-mère lavait nos chemises au lavoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos sur l'âtre auprès du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, de trésors enfouis sous la lande. Maman cachait quelques pièces sous des draps très vieux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. et la petite fille de l'école. Je crois qu'elle avait la rougeur. J'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux, qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcheronnes. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Tous les marins qui se souviennent des barques qui jamais ne reviennent ont une envie de la mer quand même au fond des yeux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Quand je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'on est vieux. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Qu'elle est belle, ma Bretagne, quand elle pleut. Comme ça ta vie, pas d'attaché caisse quand t'étais petit. Ton corps enfermé, costume crétin, t'imaginais pas, je sais bien. Moi aussi j'en ai rêvé des rêves, tant pis. Tu la voyais grande et c'est une toute petite vie. Tu la voyais pas comme ça l'histoire. Toi t'étais tempête et rocher noir. Mais qui t'a cassé ta boule de cristal, cassé tes envies rendues banales. T'es moche en moustache, en laide sandales. Tes cloches en bancal, petit caporal de centre commercial. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement, ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire et premier sabot. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Dansant Quimper ou Landerneau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Soufflant tonnerre dans du roseau. C'est pas toi qui es. Dans le bagage de l'ambiway. Tu la voyais pas comme ça ta vie. Tapis au capotage et salsifis. On va tous pareil, moyen, moyen. La grande aventure Tintin. Moi aussi j'en ai rêvé des cornemuses. Terminé maintenant, dis-moi qu'est-ce qui t'amuse. Tu la voyais pas ici l'histoire. Tu l'aurais bien faite au bout de la Loire. Mais qui t'a rangé à plat dans ce tiroir. Comme un espadon dans une baignoire. T'es moche en week-end, t'es mioche qui traîne. Loupé capitaine, bateau de semaine. D'une drôle de fête foraine. Tu la voyais pas comme ça, frérot. Doucement ta vie t'a mis KO. T'avais 8 ans quand tu te voyais. Et ce rêve-là, on l'a tous fait. Dentelle première et premier chapeau. C'est pas toi qui es, c'est pas toi qui es beau. Tambour binaire

tiens bien les rênes, tu connais la chanson. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé mieux. Oh, oh, oh, oh, on n'a rien trouvé mieux. Ça fait une paye qu'on n'a pas touché terre. Et même une paye qu'on se fait des gonzesses en poster. Tant pis pour celle qui se pointera la première. Tu démontes la passerelle, la cale, la dunette arrière. Du rhum, des femmes et de la bière, non de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, on n'a rien trouvé de mieux. Tout est gravé quelque part sur ma peau. Tellement que j'en ai les bras comme des romans photos. Blessure de guerre, qu'une bouteille, coup de couteau. Tant qu'il y aura des comptoirs, on aura des héros. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, oh, on n'a rien trouvé de mieux. 3000 du cap, c'est les foies, c'est les glandes. Quand t'as le cœur qui dérape et les tripes qui fermentent, j'essaie de penser aux claques, aux filles qui s'impatientent. Pas au bateau qui craque entre deux déferlantes. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, on n'a rien trouvé de mieux. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour valser tant qu'on veut. Du rhum, des femmes, c'est ça qui rend heureux. Que le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Oh, oh, oh, oh. Imaginez qu'allait devenir mon avenir quand j'ai décidé de stopper mes délires. Ma réalité, c'était de me mettre à écrire un truc authentique, mythique et celtique. Un mélange ethnique, un nouveau style de musique. Alors j'ai pris le temps pour que cela soit bénéfique. Mano arrive, voilà la nouvelle panique. Hey, oh, le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Le nouveau son de Mano. Hey, oh. De Mano, alors surtout pas de problème. L'accordéon et les bignoux me font trouver les thèmes de tous mes lyrics et de tous mes poèmes. Vous connaissez la phrase, nous récoltons ce que l'on sait. Moi j'ai semé le vent, maintenant voilà ma tempête. Le but de ma quête est de faire la conquête de toute la planète, ma tribu en tête. Un nouveau réseau, Mano branché sur internet. Hey, oh, le nouveau son de Mano. Le son de Manophile, n'essayez pas d'imiter, je suis trop habile. Je ne veux pas gazer mais démontrer mon nouveau style. Je prends dans les mains où le mic et tape dans le mille. Ok, j'espère que tu vas l'apprécier. Je crois que ce mélange musical est adopté. Alors reste cool, reste bien accroché. Un nouveau départ, Mano est prêt à décoller. La Manche, l'Atlantique, des plaines authentiques, un bord de côte froid et mythique, une langue gaélique, des filles magnifiques, une culture mystique belle qu'on appelle celtique. Hey, oh, le nouveau son. voilà ce qui m'est arrivé en Bretagne, guys. Une putain d'histoire. Faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser en Bretagne. Le bon lézard, arrivé de ça. Je me demande encore pourquoi j'étais en haut d'un phare. La mer était forte, il y avait du brouillard. Le vent claquait les portes, j'étais parfois dans le noir. Quand un SOS fit du bruit dans la pièce. Un cri de détresse, une voix de déesse. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, moi qui n'y connais rien. Répondre de manière comme si j'étais un vrai marin. Bonjour madame, me recevez-vous? Je prends la main où est le mic, maintenant c'est à vous. Pas de réponse claire, nette et précise. Juste le bruit de la mer, le vent, le souffle, un peu de brise. J'ai continué de discuter, de parler, de balancer des annonces. Mais pas de réponse, je crois que j'étais seul sur ce putain de rock. Pas d'amis, pas d'alcool, imaginez le choc. Faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Devenait cauchemar seul dans un phare. C'était malsain quand j'entendais doucement qu'on tapait à la porte du phare. Y avait-il un espoir? Je me suis précipité sans calculer ni même compter de la réalité des marches que possédait cet escalier. Arrivé devant l'immense porte en chaîne, j'ai respiré, il me fallait de l'oxygène. À ce moment-là je bruis et mes yeux grand ouverts. Derrière le vent, la pluie, on découvert une chose peu ordinaire. Une silhouette pas vraiment nette en pleine tempête. Imaginez ma tête. Pris de panique, je me suis mis à crier. Cette chose enfin se dit, par contre lui s'est éclaté de rire. Et ce n'est pas le pire, le pourquoi, c'est le troisième couplet qui va te le faire découvrir. Faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne. Pourquoi j'ai pris le temps de vous raconter ça, parce qu'arrive le moment où la honte tombe sur moi. Car la vision de ce type que j'avais juste là, c'était mon pote Cédric qui me disait réveille-toi. En effet, j'étais allongé sur la plage, sur les galets, j'avais la tête dans le gaz. Car boire le samedi soir dans une région de bons fêtards, il me fallait de l'entraînement, j'en avais pas, c'était trop tard. Voilà pourquoi j'ai été cuvé à la grève. Mais cette fois, pour les anciens, ce n'est pas un rêve. Ils m'ont conté l'histoire d'une fuite de joie en peine qui mit fin à sa vie pour devenir sirène. Parce qu'il paraît, un son que tu peux bien les marins. Où est le faux ou le vrai, je ne sais pas très bien. Pas de morale ni de leçon. Ah, cette histoire, je remercie tous les Bretons. Kenavo, au revoir. Faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. Faut baptiser, non, faut baptiser. En Bretagne, faut baptiser, non, faut baptiser. It was Soldat Louis with Durum des Femmes, Mano with Panique Celtique, and Mano with Faut baptiser en Bretagne. Bonjour Minnesota on KFAI Fresh Air. Music, interviews, event calendar, and announcements for the Francophone, Francophile community, highlighting the diversity of French-speaking culture. Tuesday, 8 to 10 p.m. 90.3 FM. Check us out on facebook.com/bonjourminnesota. Now, we're going to listen to Les Ramoneurs de Menhir. Ramoneurs are the chimney sweepers, and of the Menhir are the big rocks that they had in Brittany. Normally, to be a Ramoneur, you have, or to be able to sweep, you have to have like some hollow rock, and a Menhir is not hollow at all, so it's to be funny. And the song is Yati. Then we're going to listen to Matmata, which is a rock band that I really like. These two songs are more Celtic with some of the instruments, but as a general rule, they're a bit more rock. It was from their first album called Lawash, and the first song is Lambiendo, and the second one is Kerfotra. On y a un noirement. Tu diras que toi, en sorcerions charmante. À lui, leur pauvre fur, dit l'aimerions un peu. Tu diras que toi, en sorcerions charmante. À lui, leur pauvre fur, dit l'aimerions un peu. Et souvenir m'en doit pour ton boule n'en met. Tout jeune mûr d'un but, d'un planteur de l'on met. Chacune des meurs, mais qui s'en meurt en long. A qui me lui nial, il tuit en me brisant. Chacune des meurs, mais qui s'en meurt en long. A qui me lui nial, il tuit en me brisant. Arsi, ma chaîne, l'air rien de d'un bruit me fut. Qui suche et me fera, mine chaud maintenu. Chuka blues anon, Huawei condamne. Il a un FBI que t'es way peut tape. Salut, je suis mille tours de la chérie de lui. Aïe, pour y franchir, de lui en arpentier. Viens donc faire un tour à l'ambé. Si tu cherches un peu de gaieté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si aux examens tu t'es planté, viens donc faire un tour à l'ambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé. Si t'as quelque chose à fêter, viens donc faire un tour à l'ambé. Y a du chouchène à volonté, viens donc faire un tour à l'ambé. Y a du chouchène à volonté. Viens nous faire un tour à l'ambé. Si t'as rien trouvé pour squatter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à l'ambé. Si ton mec vient de te plaquer, viens nous faire un tour à l'ambé. Si du bouquin tu veux jeter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si du bouquin tu veux jeter, viens nous faire un tour à l'ambé. Si pour mes lots y'a plus d'entrée, viens nous faire un tour à l'ambé. Si pour mes lots y'a plus d'entrée, viens nous faire un tour à l'ambé. Yeah. Oublie que tu seras mort demain et a fini ton verre, je suis vraiment pas fatigué. J'ai envie d'un peu d'air. Passé 4h du matin, y a plus rien à faire. J'ai qu'une chose à proposer, on se finit au cimetière. Chanter une petite chanson pour le grave des guerres. Ça va pas les emmerder. Y'a six pieds sous terre. Juste un peu d'animation, ça fait marrer Werner. Just listen to Les Ramoneurs de Menhir with Yahati, then two songs from Matt Mata with Lambeandro and Kerfotra. Now for the last set, we're going to listen to Miosek with a song called Brest. Brest is a town in Brittany. Then with Jan Tiersen, he's from Brittany and he's the original composer of the Amélie Poulain soundtrack, and he's done more than that, of course. And the last song is La Noyée, The Woman Who Drowned. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest, la rade, le port, ce qu'il en reste, le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Je sais bien qu'on y était presque, on avait fini notre jeunesse, on aurait pu en dévorer les restes, même au beau milieu d'une averse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, que la princesse. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même que l'on délaisse, la rue de Siam, c'est nuit d'ivresse, ce n'est pas par manque de politesse, je suis l'usure des nuages et de tes caresses. Ceci n'est pas un manifeste, pas même un sermon, encore moins une messe, mais il fallait bien qu'un jour je disparaisse. Doit-on toujours protéger l'espace? Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, le nom de Dieu, que la puissance. Tonnerre, tonnerre, ici, ça te bouleverse. C'est quelques cendres que l'on disperse. Est-ce qu'aujourd'hui, au moins, quelqu'un te berce? Thank you.